Ton corps recouvert d'un drap, tu n'es pas morte. Tu n'es pas Aphrodite. Aphrodite est un son. Tu es un ensemble. Nous sommes ensemble. Ma tête au centre de ton ventre te renverse sur ma chaise. Tu cries et je pense le vent en lançant le bois mort dehors.